T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. Liftoff. Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. We are as monsters. Yeah, let's see. Nord au sud, est en ouest, ouais. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, prenez vos instruments maintenant. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Planète Indie, c'est l'épisode numéro 396 aujourd'hui. C'est une émission un peu particulière aujourd'hui, non pas au niveau du contenu. Le contenu, ce sera comme d'habitude le meilleur de la musique indépendante, le meilleur de la musique alternative. Non, c'est une émission un peu particulière puisque nous accueillons aujourd'hui de nouveaux auditeurs pour cette émission. Puisque cette émission sera désormais rediffusée aussi en Belgique sur RL FM. Chaque vendredi suivant le live. Donc... on souhaite la bienvenue à tous les auditeurs de RLFM et on espère que cette nouvelle émission pour eux, eh bien, leur plaira. Petit récapitulatif donc, nous sommes en direct le premier samedi du mois, chaque premier samedi du mois entre 17h et 18h30 sur les fréquences de RGL. Rediffusion le dimanche aux mêmes heures sur cette même fréquence et puis rediffusion donc le vendredi suivant sur RLFM entre 20h et 21h30. Au niveau de la programmation d'aujourd'hui, il y a bien pas mal de bonnes choses. On va écouter des nouveautés, A Very Loud Death. On écoutera Seven and Counting. C'est la première fois qu'on aura l'occasion de les programmer dans cette émission. On écoutera un extrait du nouvel album de Carrington McDuffie. On écoutera Courtney Yasmine. Et puis on va commencer tout de suite avec notre ami Juan Rey. Et le morceau Found My Guns. Voilà, on espère que la programmation vous plaira. Et c'est parti pour 1h30 de musique indépendante et de musique alternative. I lost my parents, I lost my dog, everybody's gone. Found my guitar, but the door. Strong drink, heavy light, load gun, shoot gun, found a guitar, but the door. I know the devil, a low fashion, are you envy? Found a guitar, but the door. I won't blame, I won't cry, I have got a smile, found a guitar, but the door. Run, run, run the line. Maybe you are the fear. Try, try, try, try the game. Maybe you are the fear. We'll be right back. just thrown so cars never stop anymore for my gun on the ground. Now the double and low mention R-U-N-B for my guns on the ground. Because me that I can't smile, how do you like this song? For my guns on the ground. Hi, this is Chris from the band Mr. Hunter, and you're listening to Planet Indie. Hey, this is Mindle Beach Markets, and you're listening to Planet Indie. Hi, my name is Matt from the band Yuka, and you are listening to Planet Indie. Dans nos oreilles, c'était le groupe Very Loud Death avec le morceau Gluttony. Et puis avant cela, Seven and Counting, ils sont toujours en train de compter combien ils sont, Seven and Counting avec le morceau Tonight. Et puis on a commencé cette émission aujourd'hui avec Juan Rey et Found My Gun. Je vous signale aussi que nous sommes présents sur Facebook, on a un groupe Facebook, vous tapez Planet Indie et vous allez tomber directement sur nous. Et pas seulement sur nous, sur beaucoup d'artistes que vous entendrez aussi dans cette émission et dans bien d'autres. Donc on vous donne un accès direct aux artistes. Pour vous donner un ou deux exemples, il y a par exemple Diane Mike qui fait partie de notre groupe qu'on écoutera tout à l'heure, ou encore Damien Thierry qui est derrière le groupe Nucléaire Tribal qu'on écoutera aussi un peu plus tard dans cette émission. Pour l'heure, on poursuit avec le nouveau morceau The Night Birds. Le morceau s'appelle I Don't Like It. Nous on espère bien que vous l'aimerez. We'll be right back. This is Brian Tool Hughes of Atopus, and you are listening to Planet Indie. Voilà, il s'est présenté beaucoup mieux que moi, c'est Brian Tool Hughes of Atopus. C'était, si vous étiez avec nous le mois dernier, c'était notre powerplay du mois d'avril. Notre powerplay du mois de mai, eh bien ce sera tout de suite après ce morceau, mais on va encore écouter donc ce morceau de Atopus avec ce morceau qui s'appelle Newman. voyez, dans Planet Indie, on voyage allègrement entre les styles musicaux. On a commencé avec des morceaux plus rock, plus guitare. Ici, on est en plein dans l'électro avec Aetopus. Et on va encore bifurquer à 90 degrés, puisqu'on va aller plutôt dans la musique un peu plus country maintenant, pour la découverte de notre album Powerplay d'aujourd'hui. On va découvrir une des nouvelles voix de qui monte dans le milieu de la musique country. Une artiste qui a grandi et qui sort son second album. Elle a grandi et grandi. Grandir, ça veut aussi vouloir dire pouvoir mettre tout ce qu'on vit, ses pertes, ses gains, les hauts et les bas de la vie, dans des chansons. Cette artiste s'appelle Kelsea Ballerini et elle nous invite donc à ouvrir le livre audio de ces deux dernières années dans lequel, eh bien, elle nous raconte les histoires qui se sont déroulées dans sa vie au cours de ces deux dernières années, puisque son album précédent, un album qui s'intitulait The First Time, est sorti il y a 2 ans. On peut dire en tout cas qu'elle a parcouru un grand chemin, Kelsea Ballerini, depuis sa ville natale dans la partie est du Tennessee. Et son ascension a été, on ne peut plus, rapide, voire météorique. Kelsea Ballerini est une artiste qui a été nominée pour les Grammys dans la catégorie Best New Artist, donc le meilleur artiste rookie, on pourrait dire meilleur artiste montant. Elle a placé ses trois premiers singles de toute sa carrière, elle les a placés en numéro 1. C'est pratiquement la seule, c'est bien la seule artiste féminine country qui a réalisé cela. Évidemment, elle a tourné pas mal et puis elle a travaillé sa réputation, on veut dire, sa réputation d'une compositrice et écrivaine dans la ville de Nashville, aux États-Unis. Donc, sa réputation qui est croissante. Elle a voulu donc faire un album où elle se montrait sous son côté le plus vulnérable et le plus honnête qu'elle n'ait jamais été, pour eh bien, nous montrer ce que sa vie a été. Cet album s'intitule donc Unapologetically, pas facile à prononcer, et il nous explique donc comment sa vie a changé depuis les quelques années jusqu'à maintenant. Ses premiers amours qui se sont transformés en chagrin d'amour, justement, ses expériences amères, et puis comment une jeune fille est devenue une femme. En tout, elle avait écrit plus de 200 chansons pour cet album, mais elle en a gardé 12 simplement pour la production de cet album. Alors, on va en écouter un premier extrait. Le premier extrait que j'ai choisi s'intitule « I Hate Love Songs », pour un album qui se veut plutôt une ode au romantisme. C'est pas trop mal. I Hate Love Songs, elle s'appelle Kelsea Ballerini. C'est notre powerplay aujourd'hui dans Planet Indie, épisode numéro 396. Powerplay. Powerplay. And cakes with white frosting, 2 names in a heart-shaped tattoo. I think Cupid is stupid and violets are purple, not blue. I hate catching bouquets, the honeymoon phase, and letterman jackets don't fit. Your eyes can't hold stars and you die if your heart really skipped. I hate love songs. Yeah, I really do. I hate love songs, but I love you. I hate pink cards with glitter and Valentine's dinner and roses just die in a week. We were drunk when we met, so we don't know our anniversary. Kissing the rain, The clouds, they are numbered tonight. And you make me feel something, but it sure as hell ain't butterflies. And I hate love songs. Yeah, I really do. I hate love songs, but I love you. Yeah, uh-huh. I really do. I'll always love you, but I don't have to sing it. For worse or for better, don't rhyme. They say I got the right one, so now I should write one, but I'd rather just show you tonight. 'Cause I hate love songs. Yeah, I really do. I hate love songs, but I love you. Kelsey Ballerini, extrait de son album Unapologetically. C'est notre powerplay aujourd'hui dans Planète Indie. On en écoutera donc trois extraits au cours de cette émission. Pour l'heure, on poursuit avec Courtney Yasminet. Kelsey Ballerini, on vient de l'écouter. Courtney Yasminet donc avec le morceau Remedy. Et après, ce sera un extrait du nouvel album de Carrington McDuffie. Probablement aussi un powerplay dans les mois qui viennent. You are my own thing. Love, love, love, love, love, love, don't let me fall. Fear is my enemy and money is my rival. Gratitude is the remedy and love is my survival. Hold me up, hold me high, don't let me fall. But only want more. I knew a man with money to burn. He couldn't sleep at night. He would toss and turn, worried over the great unknown. What if the roof falls in and the sky falls? What if I lose my wife, my kids, my house, my job, my life, my soul? Hi, my name is Carrington MacDuffie, and you are listening to Planet Indie. The room starts to swim. The world tilts. The world spins. We're on a ride that will end. But we're shaking now. It's all shaking now. A kick with your heels and dig in. We're alive and it shakes. I can see your pale face. You are my own thing. How? Hold on harder to this dirt, this flesh, this love. My hand should feel your tight grip. With the sweat in your palm, and this ride won't last long enough. I'm not waiting for the night to start. I feel your heart pounding. Yes, you are my own thing. From somewhere inside. Desire, desire. Oh, oh, ah. Oh, oh, oh. Now I feel it. Yes. Oh. Yes, yes. My own thing. Take your cue from this. The hot glance, the eyes flash. I know you understand this. When the blood goes buzzing through your body, yes. I'm awake now. I'm wide awake. I feel this big man shaking. You are my own thing. Came calling the week my daddy died, put my mama on the street. I tried my best to help her, but I killed a man instead. Now I can't get it, get it. relatives, her health is failing now. Ain't much at all that I can do. In the darkness I sneak back, and we keep the curtains closed. Now I can't get it out of my mind. No place of rest that I can find. I can't go home, it's not there anymore. Darkness during daylight, I swear my mining days are done. I call the Savior's name, for now a new night has begun. Deliver me. I set out on the rails tonight. I have to get away. The wheels they click, the lonely whistle blows. A snake of coal cars follows me, black as my wicked deed. I can't get it out of my mind. No place of rest that I can find. I can't go home, it's not there anymore. C'était Dan Cunningham avec le morceau End of My Mind. Et puis on va écouter encore Diane Mike, que je vous en parlais tout à l'heure puisqu'elle faisait partie de notre groupe Facebook. Diane Mike avec le morceau 10,000 More. Si vous voulez nous rejoindre sur Facebook, c'est quelque part le meilleur moyen pour nous faire part, eh bien, de votre avis sur la programmation musicale. N'hésitez pas. Vous tapez Planet Indie dans Facebook, Planète à la française avec un E à la fin de Planète, et Indie aussi, I-N-D-I-E. Ou alors vous allez directement sur notre site www.ilovemusic.ga et puis vous aurez tous les détails nous concernant, notamment bien comment nous contacter éventuellement si vous voulez plus d'infos sur l'un ou l'autre artiste. Mais les artistes, vous pouvez donc les retrouver directement dans notre groupe Facebook, et c'est notamment le cas de Diane Mike qu'on écoute tout de suite avec ce morceau 10,000 More. Et puis après cela, retour sur notre album Powerplay. Aujourd'hui, c'est l'album Unapologetically de Kelsey Ballerini. Hi, this is Diane Mink and you are listening to Planet Indie Radio Show, Brussels and Worldwide. Never believed in soulmates, in something I can't see. We have a deep connection, I believe in destiny. How can I feel I know you? There's so much I need to say. I think I love you, what makes me feel this way? No longer am I denying what is so plain to see. I just can't keep from thinking you were created just for me. I know that you can feel it deeper than your blood and bone. Come over here and love me, make my heart your home. We're not getting any younger, I'm just waiting for your sign. Why go looking further, let our two hearts entwine. Look in my eyes, you'll see the lies we looked before. Of sweet surrender as passion fuels our fire. Always and forever you'll be my dream come true. From now until the end of time I'll love only you. living in my dreams. You're the one whose hand is mine, whose lips I can't ignore. You're my life, my world, you're all I adore. Look in my eyes, you'll see the lies we were before. We had so many lifetimes, there will be 2,000 more. I yearn to kiss your lips again as my hands upon your skin. Breathe you in with all my breath and do it all again. I've never been more certain, what I feel can't be wrong. I know you are the soulmate I've been searching for so long. Look in my eyes, you'll see the lies we knew before. We had so many lifetimes, there will be 2,000 more. Voilà, 17h46 minutes si vous nous écoutez sur les ondes de RGL. Il est 20h46 minutes si vous nous écoutez en rediffusion sur ARL FM du côté d'Arlon, puisque désormais nous sommes rediffusés chaque vendredi qui suit notre émission en direct sur la fréquence, en tout cas sur les ondes, sur le signal d'ARL FM. Et on est tout à fait content et heureux de cette nouvelle collaboration et d'accueillir les auditeurs d'ARL FM, donc dans la grande famille de Planet Indie. Allez, retournons sur notre album Powerplay, celui de Kelsey Ballerini, l'album qui s'appelle Unapologetically, c'est son second album. Kelsey Ballerini, elle est née le 12 septembre 1993 et elle a grandi à Knoxville dans l'état du Tennessee. Son papa, eh bien, il s'appelle Ed, et lui, son boulot, eh bien, il était commercial dans une station de radio orientée country, donc du côté de Knoxville, et comme son nom l'indique, eh bien, il est d'origine italienne. Sa maman travaillait en tant qu'aussi dans le milieu du marketing pour une maison d'édition qui s'appelait Thomas Nelson Bible. Elle est enfant unique, elle a commencé à prendre des leçons de danse à l'âge de 3 ans et puis elle a stoppé après 10 années parce que ça lui plaisait plus trop. Elle a chanté dans des chorales d'église et d'école et elle a écrit sa première chanson à l'âge de 12 ans. C'était une chanson qu'elle a dédiée à sa maman et puis ensuite donc toute la famille a déménagé de Knoxville du côté de Nashville, toujours dans l'état du Tennessee. Fin 2014, elle a sorti son premier single, Love Me Like You Mean It, qu'elle a sorti donc sur le label, voilà, c'est ça que je recherchais, le Black River Entertainment. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a, comme on disait tout à l'heure, son ascension a été fulgurante, voire météorique, puisqu'elle a été citée parmi les CMT, donc c'est le Country Music, par contre le T, je sais pas, ça veut dire Country Music, T, je sais pas, Next Women of Country en 2014, donc déjà après son premier album, et en février 2015, le jour de la Saint-Valentin, le 14 février 2015, elle a chanté pour la première fois au Grand Ole Opry, qui est un peu la grand-messe de la musique country. Ce morceau Love Me Like You Mean It a atteint la place numéro 1 dans le Billboard Country Airplay Chart, donc le hit parade, si vous voulez, des diffusions radio. C'est la première artiste féminine solo à inscrire un numéro 1 avec son tout premier album depuis Carrie Underwood en 1906. Et donc elle est la première depuis 1906 et elle est seulement la 11e dans l'histoire de qui a réussi cet exploit. Son premier album s'appelait The First Time. Elle a sorti 1, 2 et 3 singles. Le troisième s'appelait Peter Pan. Il est sorti en mars 2016 et de nouveau, bingo, on va dire, puisqu'il a aussi atteint le numéro 1, et ce qui a fait de Kelsey Ballerini la première artiste féminine solo à placer ses trois premiers singles en place numéro 1 depuis Winona Judd. Ça, c'était en 1992. Forbes a cité Kelsey Ballerini parmi ces 30 personnalités qui avaient moins de 30 ans dans la catégorie musique. Elle a été nominée à la place numéro 2, donc c'est pas rien. Que dire encore d'autre parmi toutes ces récompenses, parce qu'il y en a toute une flopée. Elle a reçu en 2017 deux Academy of Country Music Awards, donc pour la chanteuse féminine de l'année et la vidéo de l'année pour son morceau Peter Pan. En ce qui concerne cet album, eh bien, Unapologetically, son premier single qui a été extrait de cet album, est sorti en juin 2017 et c'était le morceau Legends. Je vous ai mis sur la page Facebook de Planet Indie aussi une vidéo, cette fois-ci une vidéo acoustique. C'est la plage titulaire de l'album Unapologetically. On n'écoutera pas aujourd'hui, mais comme ça vous avez l'occasion de l'entendre. Le morceau qu'on va écouter s'intitule quant à lui End of the World. C'est pas encore la fin pour nous. Rassurez-vous, on est encore là jusque 18h30 ou 21h30, le cas échéant, si vous nous écoutez sur RL FM. Power play. Power play. Dark as midnight and lost in it. Insecure and just done with it. Love gave up, so I stopped believing that I don't know how to get through feeling. I thought it was the end of the world, but it kept spinning round, round, round. And then the sun came up again, and I stopped looking down, down, down. I thought the stars in the sky, but just like a lifeline right on time, I met you at the end of the world. The sky kept falling, but we danced in it. I was done with love, but second chance did it. You cleared the smoke and picked up the wreckage. Gotta go through hell to get to heaven. We danced in it. see is what you get. What you see is what you get. What I choose and here's a mess. What you see is what you get. See you. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on voyageait pas mal dans les styles musicaux, et bien on voyage aussi de manière géographique dans l'espace, puisque à l'instant on était avec deux groupes suédois, à savoir High on Martel, qu'on écoutait avec Good Enough, et à l'instant Bonefish, extrait de leur nouvel album, un album qui s'intitule Atoms, et on écoutait le morceau dédié à leur sœur, Sister. Donc on quitte la Suède et on descend un peu plus bas en Europe avec une collaboration serbo-grecque. Bah oui, c'est assez étonnant, une collaboration entre Sergei 77 et John Camp, alias John Campolopoulos, je pense que c'est ça le nom complet. Et on les écoute avec le morceau Carpe Diem. Bah oui, pourquoi pas, avec le temps qu'il fait actuellement. On a envie de s'asseoir, se relaxer avec un bon cocktail et puis évidemment de la bonne musique. Donc restez bien branchés sur Planet Indie. Je vous rappelle, vous nous écoutez chaque mois pour découvrir pendant une heure et demie le meilleur de la musique indépendante, le meilleur de la musique alternative. Nous sommes en direct chaque premier samedi du mois sur RGL entre 17h et 18h30. Rediffusion le lendemain, le dimanche, et puis rediffusion le vendredi suivant. C'est tout nouveau, c'est tout chaud, on est ravis. Rediffusion le vendredi suivant sur ARL FM du côté d'Arlon. Allez, retour et place à la musique. Sergei 77 et John Camp avec Carpe Diem. Et puis après, on quitte le sud de l'Europe, on revient en Europe centrale avec les Suisses de Nucléaire Tribal et le morceau 100. leur sert de vautours dans des gants de velours. C'est qu'il y a du sang sur les gants des puissants et sur la main qui serre une main meurtrière. C'est toujours l'innocent qui paye avec son sang la bidoche et le beurre. On vit le prédateur. Une invisible main écrase les humains. Elle se fortifie dans l'idéologie d'un ordre agonisant que tiennent les puissants. C'est la main invisible qui leur tient lieu de Bible. C'est qu'il y a du sang sur les gants des puissants et sur la main qui serre une main meurtrière. C'est toujours l'innocent qui paye avec son sang la bidoche et le beurre dont vit le prédateur. C'est la loi du profit. C'est la loi du profit qui seule justifie. Qui seule justifie qu'il faille autant de sang. Qu'il faille autant de sang pour gaver les puissants. Pour gaver les puissants et leurs vassaux complices de pareille injustice. Un gars dans la misère, c'est dira qui prospère. C'est qu'il y a du sang sur les gants des puissants et sur la main qui serre une main meurtrière. C'est toujours l'innocent qui paye avec son sang la bidoche et le beurre dont vit le prédateur. C'est qu'il y a du sang sur les dents des puissants et sur la main qui serre une main meurtrière. C'est toujours l'innocent qui paye avec son sang la bidoche et le beurre dont vit le prédateur. C'est qu'il y a du sang. Voilà, ils sont un peu révolutionnaires sur les bords, hein, les Suisses de Nuclear Tribal. On les écoutait avec le morceau 100 et avant cela, donc, c'était le duo composé de Sergei 77 et John Camp avec le morceau Carpe Diem. Retournons, si vous le voulez bien, sur notre album Powerplay aujourd'hui pour en écouter un troisième et dernier extrait. Je vous rappelle qu'il s'agit de l'album de Kelsey Ballerini, un album intitulé Unapologetically. Kelsey Ballerini, quand on lui demande eh bien, quels sont les artistes qui l'ont influencé, elle dit que c'est essentiellement la musique pop et country, évidemment. Et elle a grandi en écoutant de la musique top 40. Elle ne s'intéressait pas du tout, elle ne savait même pas ce que c'est la musique country. Elle trouve ça amusant puisqu'elle dit que j'ai vécu et j'ai grandi dans une ferme dans le Tennessee. Quand on sait que Nashville est la capitale du Tennessee et la capitale mondiale de la country music, c'est assez amusant qu'elle était totalement hermétique. Elle ne savait même pas du tout que la musique country, ça existait. Au niveau de ses influences de jeunesse, on va dire, elle cite notamment Britney Spears ou Christina Aguilera. C'est le jour où elle a entendu le morceau Stupid Boy interprété par Keith Urban qu'elle a découvert, on va dire, la musique country et qu'elle a décidé d'en écouter un peu plus. Elle a écouté notamment des artistes comme Taylor Swift, Sugarland ou encore les Dixie Chicks. Et au niveau des artistes country, eh bien, elle cite Shania Twain comme sa plus grande influence. Au niveau personnel, eh bien, en 2016, pas de chance pour ceux que ça aurait pu intéresser, Kelsey Ballerini a commencé à sortir avec le chanteur country australien Morgan Evans. Ils se sont fiancés le jour de Noël 2016 et ils se sont mariés fin décembre 2017 à San Cabo Luca au Mexique. Et puis pour la petite histoire et pour être tout à fait complet, Kelsey a un chien qui se prénomme Dibs. Et Dibs, c'est parce qu'elle l'a nommé ainsi à cause de son premier single numéro 1. Que vous dire de plus ? On va écouter donc un troisième extrait qui s'appelle Graveyard. C'est la plage d'ouverture de cet album, et c'est amusant de remarquer en général au cimetière, c'est là que tout finit. Et bien pour Kelsey Panerini, c'est là que son album Unapologetically débute. Cette chanson est une méditation et bien sur les gens qui s'enferment dans des relations qui sont vouées à l'échec, et en le sachant pertinemment. Je lui laisse la parole, on l'écoute avec ce morceau Graveyard, c'est notre powerplay aujourd'hui dans Planet Indie. Je vous rappelle, elle s'appelle Kelsey Ballerini. Powerplay. Powerplay. Skeleton in your closet, another rose that you throw, 'cause you know that it ain't okay. Just a name on a stone in a row down a road forgotten, 'cause I was falling fast, now I'm just a dash between two dates. And I don't wanna be another heart in your graveyard, in the cold hard dirt that you throw down. I don't wanna watch you drive away in a black car to a new bar, so you can find another hopeless broken girl in a little black dress. And you'll take her, break her, lay her heart to rest in peace, right here next to me. Maybe I was naive to believe you never hurt me. Now I know why you hide in your darkest suit and shades. You put on a show so nobody knows. Your hands and your shoes are dirty. I guess you don't need a shovel to dig a grave. I don't wanna be another heart in your graveyard, in the cold hard dirt that you throw down. I don't wanna watch you drive away in a black car to a new bar, so you can find another hopeless road. Of a broken heart don't stay 6 feet down. Yeah, you're gonna go out one night when you see me out, 'cause the ghost of a broken heart don't stay 6 feet down. I don't wanna be another heart in your graveyard, in the cold hard dirt that you throw down. I don't wanna watch you drive away in a black car to a new bar, so you give out another hopeless road. The highest waves, moving the mountains. I remember how I had your back and you had my heart. This is forever, from here on to eternity. Faith, hope, theft, shouting in the storm up on the highest hill, the world below. We were so high in life, you were part of me in the insanity. Faith, hope, theft. Faith, hope, theft. But you stole from me, you stole from me. And it's clear to see your virtues come from robbery. So the end came like it always does. It's a blur to me, trying to trace our tracks. I remember every cracking noise from the bonds that broke. Now my heart's full, full of spite, full of spite. You stole from me, you stole from me. And it's clear to see all your virtues come from robbery. Faith, hope, theft. Faith, hope, theft. We would dive into the deepest sea, the highest waves. You were like flames, I was a moth at night. The whole world is closing in on me. And I'm full of spite, full of spite. You were flames, I was a moth at night. And we burned. You stole from me, you stole from me. And it's clear to see your virtues come from robbery. You stole from me, you stole from me. And it's clear to see all your virtues come from robbery. Ce morceau est une collaboration extraordinaire, on va dire, entre le groupe West of Eden et Timo Räsänen, un morceau qui ne se trouve sur aucun album puisque c'est une collaboration éphémère et il s'intitule Faith, Hope, Theft. Il nous reste quelques minutes à vivre ensemble, on va quand même passer en revue la programmation de nos amis de la Rocale pour ce mois-ci. Ce samedi 5 mai, c'est la nuit de la culture au club, l'entrée est gratuite. 9 mai, Buffalo C. Wayne. Le 12 mai, je vous en parlerai si j'ai encore un peu de temps, un peu plus longuement, ce seront les 24 heures électroniques. 13 mai, Russian Circles et Brutus. Alors, le 15 et 16 et 17 et 18 mai, c'est le Be a Hero, les... Il y a du pop-rock, il y a des ateliers de musique, c'est essentiellement pour les jeunes. Le 18 mai, dit Totenhausen, c'est complet, si vous n'avez pas de ticket, c'est pas la peine d'y aller. Par contre, si vous aviez un ticket pour les grands ballets classiques du 19 mai, eh bien, c'est annulé, donc faites-vous rembourser. 19 mai, eh bien, pourrez voir le Blossom Tour 2018 de Milky Chance. De nouveau, si vous n'avez pas de ticket, c'est complet. 20 mai, Bonobo. 22, G-Eazy. 26 mai, la Brass Banda. Le 31 mai, c'est la soirée Rock Against Cancer. 6 juin, Thundercat. Et le 8 juin, c'est le Screaming Field Sound Contest. L'entrée sera gratuite. La suite, eh bien, on la découvrira au cours de notre prochaine émission qui se tiendra alors le 2 juin pour l'émission en direct, rediffusée le dimanche 3 juin sur les ondes de RGL et le vendredi suivant. Ça nous mettra, alors, si je prends le calendrier, ce sera le 8 juin sur les ondes de ARL FM. Alors, deux petits mots sur les 24 heures électroniques. Ça se passera le 12 mai au Rock Lab et au Floor de la Rocale. L'entrée est gratuite. Ces 24 heures électroniques, eh bien, elles sont dédiées à la découverte et à la création des musiques électroniques. En journée, vous aurez l'occasion de participer à des ateliers et des rencontres créatives pour musiciens, producteurs, DJ amateurs et professionnels. Ça se passera donc au Rock Lab et en soirée, eh bien, vous pourrez voir sur scène des artistes locaux et internationaux dans la petite salle, c'est le floor, ça doit être la petite salle, oui. Non, c'est la grande salle, mais en version réduite, je pense, de la Rocale. Ça se passe le 12 mai. Plus d'infos, www.rocale.lu. On poursuit en musique avec une autre nouveauté. Elle s'appelle Sarah Brand et le morceau « Elle chante toujours ». Alors elle se cache dans sa salle. Il n'y a aucun qui l'entende. C'est pourquoi elle chante toujours. Chante avec moi. Chante toutes les belles chansons pour moi. Parle avec moi. Dis-moi qui arrive dans le monde. Pas besoin d'une autre personne. La musique est son grand amour. Quand elle se sent laissée, la musique se met en marche. Chante avec moi. Chante toutes les belles chansons pour moi. Parle avec moi. Dis-moi qui arrive dans le monde. Chante avec moi. Chante toutes les belles chansons pour moi. Parle avec moi. Dis-moi qui arrive dans le monde. Avec moi, chante toutes les belles chansons pour moi. Parle avec moi, dis-moi qui arrive dans le monde. Chante avec moi, chante toutes les belles chansons pour moi. Parle avec moi. Dis-moi qui arrive dans le monde. Sha-la-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la-la-la. Voilà, on arrive tout doucement au bout de cette émission. Planète Indie numéro 396. Malheureusement, on va devoir couper un tout petit peu Sarah Brown. J'étais très heureux de passer ce début de soirée en votre compagnie. Je vous retrouve le mois prochain donc pour l'épisode numéro 397. C'était Planète Indie, votre émission d'une heure trente, chaque premier samedi du mois en direct sur RGL Radio. Rediffusée le dimanche à 17h sur cette même fréquence et désormais rediffusé le vendredi suivant sur les ondes d'ARL FM. Bienvenue donc à tous les auditeurs d'ARL FM du côté d'Arlon. On va se quitter avec CJ Simmons et le morceau Shine Down. J'espère que vous avez apprécié la programmation musicale. On va vous mettre le podcast de l'émission sur le site internet www.ilovemusic.ga ou Planet Indie dans Facebook. Voilà, bon début de soirée ou bonne soirée, c'est selon. Bon week-end et à très bientôt. Cut my teeth so tremendously as I rise and take the fall. I may have seen better days between ever since the fading calm. So let the heavens sing and the rivers run, cause we're tearing down these walls. I need you to shine down, deliver them from this cold. Till I get my pot of gold. Used to drive up to the Hollywood sign waiting for a falling star. Take a magic carpet of a mole driving, poof, there you are. The angels of the city were waiting on Gabriel's call. Singing hallelujah from a mountaintop, but a world that seems so far. I need you to shine down, deliver them from this cold. Shine down, give me strength as I grab hold. Oh, I want this town run me down till I get my pot of. I met a red-bearded man in a shiny mohair suit. Stared at me with a crooked grin and took a note from his cowboy boot. Said, I hope these words will serve you right as you're finding your way through. You read, give till you can, give no more and to thine old self be true. Shine down, deliver them from this cold. Shine down, give me strength as I grab hold. Oh, I want this town run me down till I get my pot of. This gold, you shine down. Give me strength as I grab hold. Oh, I want this town run me down till I get my heart.